Mesdames, mesdemoiselles, soyez à l'écoute. Je vais vous raconter l'histoire d'un génie qui en fout. Un homme si beau, un homme un peu fou, un homme charmant, mais un homme qui en joue. Il fait tourner la tête des filles comme un roi. Toi, la première, t'y es tombée, t'es tombée dans ses bras. Il te parle et tu y crois. Que des belles paroles, de jamais d'actes, c'est tout ce qu'il a. Il a souvent tort, je crois qu'il t'a jeté un sort. Il ne fait jamais d'efforts, en plus de ça t'en veux encore. Il ressemble au prince charmant dans les histoires d'amour. Mais tu n'es pas la seule princesse à qui il fait la cour. Magie, il a réussi son tour de magie. Toi tu es si douce, tu es si fragile. Il s'attaque toujours au coup, crois facile, c'est si facile. Magie, il a réussi son tour de magie. Toi tu es si douce, tu es si fragile. Il s'attaque toujours au coup, crois facile, c'est si facile. Avant ta mère, j'aimerais bien savoir s'il lui ferait pareil. Il te balade comme il balade les autres. T'es pas une exception, non, t'es juste une fille en trop. Tu tombes plus souvent que sur son répondeur. C'est un collectionneur qui aime la magie. Il a réussi son tour de magie. Toi tu es si douce, tu es si fragile. T'as toujours au coup, crois facile, c'est si facile. Magie, il a réussi son tour de magie. Toi tu es si douce, tu es si fragile. Il s'attaque toujours au coup, crois facile, c'est si facile. Ce n'est pas un prince charmant, ma belle, il faut que tu l'entendes. Ma belle, il faut que tu l'entendes. Magie, il a réussi son tour de magie. Toi tu es si douce, tu es si fragile. Il s'attaque toujours au coup, crois facile, c'est si facile. Magie, il a réussi son tour de magie. Toi tu es si douce, tu es si fragile. T'as toujours recours, crois facile, c'est si facile.